l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. En fait, je ne saurai jamais si je poursuis la quête, si j'ai laissé tomber. Je suis comme rempli d'espoir, ce matin je renais. Emmène-moi près du phare, allons jusqu'au rocher. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi boire l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Mais oui, jusqu'à la fin, avec le titre « Emmène-moi » de Boulevard Désert, sorti en 2015 sur l'album Bruxelles. Nous arrivons tranquillement, mais sûrement, à la fin de Chansomania. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, sur ta radio préférée. Et d'ici là, si tu es en manque de Chansomania, il y a les podcasts sur toutes les plateformes de podcasts et sur toutes les plateformes musicales. Tu retrouves aussi ces mêmes podcasts avec plein d'infos sur le site sebdihl.fr. Cela s'écrit sebdihl.fr. Allez, à la semaine prochaine, et d'ici là, surtout, surtout, tu n'oublies pas de vivre en musique. On se quitte en chanson vinyle avec aujourd'hui La fiancée du pirate et le titre Tout tout de suite. Bye. Vous êtes sur Couleur FM, il est 15h. Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes. Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par Jean Guichard, Evelyne Bestagne. Bonsoir Evelyne, bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Oui, nous revenons sur Couleur FM après ce lourd été. Et chaud. Chaud, voilà. Très chaud. Très chaud. Et on reprend donc nos émissions. On a décidé, cette année, on a parlé beaucoup de Sophia Loren. On a repassé son film sur la télé, La Ciociara, et on s'est dit qu'il fallait en parler parce que on sait pas beaucoup qu'elle a beaucoup chanté. Je précise d'abord, son prénom se prononce Sophia, que ce soit avec un F ou PH, modernisé en PH. Et Sofia, c'est la capitale de la Bulgarie. Ah oui. Sofia, avec l'accent solo. C'est pas la même chose. C'est la capitale de la Bulgarie. Tandis qu'elle, c'était Sofia, la sagesse. Oui. Alors, vous nous dites deux mots de sa carrière, qu'on rappelle quand même, c'est pas notre sujet, mais ce qu'elle a fait... Oui, alors Sofia Villani Scilicone, c'est son nom, c'est son vrai nom. Son vrai nom. Donc elle est née à Rome le 20 septembre 1934. Donc c'est bientôt son anniversaire d'ailleurs. Oui. D'un père entrepreneur sicilien. Qui a refusé d'épouser sa mère. Donc, sa mère est restée seule avec Sofia et sa sœur... Sa petite sœur, oui. Anna, il me semble qu'elle s'appelle. Et elles sont donc allées vivre avec la maman, donc la grand-mère de Sofia, à côté de Naples, à Pozzuoli. À Pozzuoli. Voilà. Là d'où vient la Pouzzolane. Oui. Et puis, donc, Sophie a été repérée à l'âge de 16 ans dans un concours de beauté Miss Italie, où elle a eu donc le deuxième prix, mais ils lui ont donné le prix de Miss Élégance, qui a été créé pour elle, d'ailleurs, parce que vraiment, elle les avait... subjuguée. Ah oui, oui. Elle était très belle. Elle était très belle. Dès son adolescence. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Oui, elle oui. est toujours assez belle. Voilà. Ensuite, elle a commencé par des romans photos à 16 ans, à 18 ans. Et puis, sa carrière cinématographique qui a commencé au début des années 50. Quelques exemples de films, Sous les mers d'Afrique, de Giovanni Roccardi. C'est d'ailleurs là où elle a été rebaptisée Sofia Loren sur le tournage de ce film par le producteur. Et puis d'autres exemples de films, Dommage que tu sois une canaille. L'orchidée noire, La Ciociara, Mariage à l'italienne, ça c'est dans les années 60, ouais. Les fleurs du soleil un peu plus tard, voilà. Et puis elle a tourné aussi avec de grands acteurs. Oui, bien sûr. Cary Grant, oui. John Wayne. dans... Tout à fait. La Cité disparue, oui. Si je me souviens bien. Et puis Marlon Brando. Oui, beaucoup d'acteurs connus. Oui. Et puis, donc ça, c'était... elle tournait avec Charlie Chaplin aussi. Sa carrière à Hollywood. Oui, ça, c'est sa carrière à Hollywood. Elle a commencé aux États-Unis sa carrière. Mais avant, elle avait fait des films avec, avec des producteurs italiens. Oui, et avec oui, des acteurs absolument. Italiens aussi. Et puis, elle est primée au Festival de Cannes en 61 pour La Ciociara. Oui. Qui est un film exceptionnel. Et voilà. Puis, voilà, mais il y a d'autres. Elle a eu des aventures sentimentales, mais son grand amour, ça a été le producteur. Carlo Ponti. Carlo Ponti. Oui. Avec... Ça, je n'en ai pas parlé, je vous laisse. Oh non, non, non, non. L'évoquer. Non. Et puis, un autre producteur avec qui elle a eu une grande amitié, c'est Vittorio De Sica. Oui. Donc, elle a eu une grande carrière d'actrice et elle a été surtout estimée pour ça. Elle est connue pour ça, quoi. Et puis pour ça, oui. Sa beauté physique qu'elle manifestait assez volontiers. Elle en jouait et elle en joue encore. Elle en joue encore. Et ma foi, bien, quoi. Oui. Bon, elle s'exhibe pas. Et bon, il faut insister sur le fait qu'elle était, en fait, elle est née à Rome, mais elle était napolitaine. Oui. Elle était napolitaine, très napolitaine. Ses racines sont à Naples. Oui, absolument. Et d'esprit aussi, elle était napolitaine. Elle avait une mère qui l'aimait beaucoup et qui a voulu, qui l'a beaucoup aidée dans sa carrière. Qui l'a poussée, oui, beaucoup. Oh là là ! Si elle avait une admiration pour sa mère, d'ailleurs, qui aurait voulu être actrice aussi, mais qui a pas pu, ben, pour des raisons économiques. Elle était professeure de piano, sa maman. Oui, voilà. Oui, c'est ça. C'était une artiste à sa façon. Et donc, il faut souligner tout ça, parce que là encore, c'est Naples qui est présente à travers Sophia Loren. Oui. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a beaucoup chanté. Et oui. Non seulement, elle a beaucoup chanté dans plusieurs films, d'une part. Mais elle a chanté aussi en dehors de ses films. On écoutera quelques-unes de ses chansons. Et c'est l'occasion de souligner combien la musique et la chanson, c'est déterminant pour un film. Oui, bien sûr. C'est la musique et quelquefois les chansons qui déterminent le mouvement du film. Il faut beaucoup insister là-dessus parce que on écoute la musique, mais on n'y fait pas souvent très attention. La musique, en fait, elle représente le film, elle le fait. Supprimer la musique, il n'y a plus de film. Ben oui, ça déclenche des émotions, ça nous porte, ça dans les images. Et puis, oui, ça complète les images et le texte, quoi. Oui. Ça les met en valeur, ça... Et ça détermine leur mouvement, quoi. Bien sûr. Alors, elle a beaucoup chanté, et elle a chanté dans toutes les langues, en plus. Elle a chanté en napolitain, elle a chanté en italien... Elle a chanté en anglais, on en écoutera quelques-unes. Elle a chanté en grec, oui. Moderne. C'était finalement une... C'est une femme très cultivée. Et elle parlait tout à fait bien les langues étrangères, qu'elle disait avoir de la peine à apprendre, mais ça marchait très bien. Puis elle a beaucoup tourné aux États-Unis, donc il a fallu qu'elle apprenne l'anglais. Oui, forcément. Et puis l'italien et le napolitain, mais aussi le grec et, il me semble, d'autres langues. L'espagnol, je crois. Oui, oui, oui, elle a chanté en... Et puis, en fait, ses chansons ont été très diffusées. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on trouve très difficilement le texte. De beaucoup d'entre elles. J'ai encore cherché ce matin deux chansons qu'on écoutera, mais dont on n'a pas le texte. Mm-hmm. Il n'est publié nulle part. Nulle part. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est elle qui fait obstacle? Est-ce que c'est les producteurs? Est-ce que c'est le mépris pour les textes de chansons, souvent? Mm-hmm. La chanson de la Ciociara, par exemple, ou une chanson qu'on écoutera, La Storia di Maddalena, qui est dans la musique de Dalla et Cellamare, c'est-à-dire deux grands compositeurs de chansons. Introuvable. Ah oui. Introuvable. C'est dommage, oui. Oui, oui, oui. Alors, on va en écouter une première, bien sûr, en dialecte. Mm-hmm. C'est « Che m'imparato a fa ?»« Qu'est-ce que tu m'as appris à faire ?» Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson ?« Toi qui m'as appris à le faire, ce que « kiss me » veut dire, je voudrais t'embrasser. Toi, en t'emportant avec moi, qui t'ai dit de faire, je suis amoureux de toi. Pourquoi, en m'embrassant comme ça, m'as-tu appris à dire ces choses inconnues? Capri, Sorrente, et cette lune s'en sont allées avec toi. Toi, sachant que tu ne reviendrais pas, m'as-tu appris à le faire, à dire ces phrases étrangères? Mon amour, qu'est-ce que le bonheur? Cette chose que tu m'as appris à faire. Les étoiles du bord de mer, ce soir, semblaient vouloir nous enchanter. Pourtant, chaque étoile qui descendait sur la mer écrivait sur le ciel « Adieu, bonheur ». Pourquoi, en me serrant comme ça, m'as-tu appris à dire ces choses inconnues ? Voilà, alors en même temps, c'est un thème classique dans ses chansons. Elle découvre l'amour, l'amour physique aussi, et elle le chante. Et elle le chante très bien. C'est dommage qu'on ne puisse pas lire le texte napolitain, qui est très beau. Alors, je n'y arriverai pas. Hein. Non, mais on va l'écouter. On l'écoute. Elle... Stella da marina che la sera pareva ci volessero cantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità. Mi viene a ti, io te vorrei passare, io portarne te con me, che taggio di taffa, sono innamorata di te, perché va sana mai così, tu m'hai imparato a ti. Di cose sconosciute, capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te, tu sapendo non torna, che m'è imparata a fare. Di frase forestiere, amore che dea felicità, che m'è imparata a fare. Capri sorriente sta luna. C'était une chanson de 1956 et puis qui est pleine de références à la chanson napolitaine classique. Elle cite le Io te vorrei avasa, qui est une chanson napolitaine très très classique du 19e que tout le monde connaissait. Et les auteurs de la musique, c'était Armando Trovajoli. Mm-hmm. Et puis l'autre auteur, c'est Dino Verde, c'est-à-dire deux grands de la chanson. Trovajoli était aussi cinéaste d'ailleurs. Il a écrit beaucoup de musique pour les films plutôt. Oui. Donc voilà une première chanson qui est dans une belle langue napolitaine. Et puis elle chante aussi très bien. En italien, on va écouter une deuxième chanson qui est de la même année, Felicità, qui est de, là aussi d'un grand musicien, Nino Oliviero, avec un texte de Vincenzo de Crescenzo de 1956, et elle chante ça dans un film d'Alessandro Blasetti, La fortuna di essere donna. La chance d'être une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Du bonheur, tu sais me donner. Quand tu m'embrasses, tu me fais rêver. Tu me fais rester les yeux fermés. Dans mes veines, peu à peu, monte le bien-être, monte le feu. Je m'abandonne, je ne résiste plus. Et je te dis encore oui. Fais ce que tu veux, parce que mon amour, ce n'est que toi, mon bonheur. Voilà, toujours le même thème. Hein. elle découvre la vie quand on l'embrasse. Et elle se dit, mais c'est merveilleux. C'est ce que tu m'apprends à faire. On va l'écouter. Thank you. Felicita est encore en dialecte. Oui, non, dialecte. En langue napolitaine. J'aime pas qu'on parle de dialecte napolitain. C'est pas un dialecte, c'est une langue qui a sa grammaire, et qui était très très belle. C'était sa langue maternelle en fait. Oui. C'était la langue de son père. C'est la langue paternelle, mais c'était sa langue. Par contre, la suivante, Soldi, Soldi, Soldi, qui est plus tardive, qui est de Pietro Garinei, qui est un triestin, avec une musique de Sandro Giovannini. C'était écrit pour une comédie musicale de 1962, de Garinei et Giovannini. Mandarino per Teo. Et vous allez voir, Soldi Soldi, elle chante maintenant non plus la beauté des baisers, mais la beauté d'avoir des sous. De l'argent. C'était aussi une de ses préoccupations, parce qu'elle venait d'une famille modeste finalement. Oui. Et sa mère n'était pas riche. Soldi Soldi Soldi, 1962, on l'écoute. Le texte. La la la la la la la la la la la la la la la cha cha cha cha cha la la la la la la la la la la la la la la la la soldi soldi soldi tanti soldi beati siano i soldi i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, ovvero papà Braschi, ti danno donne e whisky, salute ai figli maschi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindi. Soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. La la la la la la la la la la la la la la la cha cha cha cha cha la la la la la la la la la la la la la la la la cha cha cha. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur cette chanson. On s'est demandé qui était ce Barba Braschi qui est cité, Soldi Soldi, ovvero Barba Braschi. On ne sait pas. Et, alors, on a supposé que c'était le pape qui avait pour nom de famille Braschi, de Pie VI, qui, en 1785, avait admis à nouveau le jeu de loto, pourvu qu'ils servent à des œuvres pieuses. Oui. Oui, voilà. Et la chanson est aussi bien écrite par Gorni Kramer Elle a été chantée par Betty Curtis. Et c'était pour une comédie de caractère comique qui racontait l'histoire de Théo, un petit acteur cinématographique, à qui on faisait une proposition très alléchante. Si Théo écrase une clochette, en Chine, un mandarin meurt et il hérite un sac de sous. Alors Théo écrase et reçoit les premiers sous comme un compte, et puis il s'aperçoit que c'est le diable qui lui a offert ça. Alors il se repent, et après avoir dépensé beaucoup de sous de la compte, il court, il se met à l'abri en restituant tous les sous au démon. Et tous ses amis, évidemment, l'aident à récupérer la somme. C'est une comédie musicale qui a eu beaucoup de succès. Et voilà, elle y chante cette chanson. Soldi, soldi, soldi, des sous, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Voulez-vous le texte ? Et on écoute le texte. Des sous, des sous, des sous, des sous. Que bienheureux soient les sous. Les sous bien aimés. Celui qui a beaucoup de sous vit comme un pacha et garde les pieds au chaud. Des sous, ou Barbara Brasky, il te donne des femmes et du whisky, la santé et des enfants mâles, parce que quand celui qui a beaucoup de sous vit comme un pacha et garde les pieds au chaud. Prends, répands et dépense, ne te demande pas d'où ils viennent. Des sous et beaucoup de sous qui font dindine dans tes poches. Des sous, des sous, des sous. Une panacée de cette quotidienne bataille des sous. Celui qui a beaucoup de sous vit comme un pacha et garde les pieds au chaud. Vive les sous. Vive les sous. On comprend pourquoi ça a eu beaucoup de succès dans un peuple pauvre. Ça a beaucoup amusé. Oui. Voilà, on écoute maintenant une autre chanson qui est aussi de la même époque, mais qui n'était pas chantée dans un film, qui a été reprise par beaucoup d'autres chanteurs. Perché domani? Pourquoi demain? Vous nous lisez le texte, cette fois on ne l'oublie pas. Alors, pourquoi demain? C'est bien tard demain, pour moi, pour toi. Il est doux de susurrer, cette nuit je pourrais t'embrasser. Pourquoi demain? Je t'aime, tu m'aimes, tu es ici avec moi. Pourquoi attendre encore? Demain c'est trop tard, mon amour. Les fables qui sortent du cœur, tu les entendras cette nuit ou jamais. Des moments romantiques que tu m'offres à moi, que je t'offre à toi. Mais ne dis pas demain, je t'en prie. Reste pour moi, pour toi. Il est inutile d'attendre. On ne peut pas tromper son cœur. Alors ça aussi, c'est bien significatif. Ce sens très, très napolitain du présent. Mais faisons donc tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre. jouissons aujourd'hui. Pourquoi attendre demain ? Et cette chanson de la musique de Brédé, un Américain, et de Lou Tazzi, qui n'est pas chantée dans un film, elle l'a chantée avec beaucoup de succès. Elle a été reprise par beaucoup d'autres grands chanteurs, dont je crois Mina. D'accord. On l'écoute. Perché, perché domani è tardi, domani per me, per te è dolce sussurrar, stanotte ti potrò baciar. Mommy. direi attimi romantici che tu regali a me, che io regalo a te, ma tu non dir domani, ti prego, rimani per me, per te. Chanson maintenant, mais elle la chante en anglais. Uh-huh. Aldon, ça. Pourtant, c'est une chanson qui est tirée d'un film d'Arthur Hiller et Alberto Grimaldi, un film sur Cervantes, l'homme de la Manche, qui a été très connu à l'époque. C'est 72, on ne le joue plus beaucoup aujourd'hui, mais ça a été un beau film. Et puis alors, on va lire la traduction française, parce que c'est cette chanson qui a été tirée d'un musical américain anonyme, a été adaptée par Jacques Brel en français, et elle a mis le personnage en scène, ce qui réunit Jacques Brel et Sophia Loren. Vous nous lisez le texte de Brel, qui est de 68. De 68, oui. Je suis née comme une chienne, une nuit où il pleuvait. Je suis née et ma mère est partie en chantant. Et je ne sais rien d'elle que la haine que j'en ai. J'aurais dû venir au monde en mourant. Et bien sûr, il y a mon père. On dit souvent que les filles gardent leur père au profond de leur cœur. Mais je n'ai pas su mon père. Mon père était plusieurs, car mon père était un régiment. Je ne peux même pas dire qu'ils étaient andalous ou prussiens. S'ils sont morts vers le nord, sont-ils morts vers le sud? Je n'en sais rien. Une dame. Et comment veut-il que je sois une dame? J'ai grandi comme une chienne, de carrefour en carrefour. J'ai grandi, et trop tôt, sur la paille des mules, de soldat en soldat, de crapule en crapule. J'ai connu les bienfaits de l'amour. Et je vis comme une bête. Je fais ça comme on se mouche. Et je vis sans savoir ni pour qui, ni pourquoi. Pour un sou, je me lève. Pour deux sous, je me couche. Pour trois sous, je fais n'importe quoi. Si vous ne me croyez guère, pour trois sous, venez voir le restant. De la plus folle des fiancées au plus crapuleux des brigands de la terre. Mais chassez donc vos nuages et regardez-moi tel que je suis. Une dame, une vraie dame, a une vertu, a une âme. Dieu de Dieu, de tous les pires salauds que j'ai connus, vous qui parlez d'étoiles, vous qui montrez le ciel, vous êtes bien le plus infâme, le plus cruel. Frappez-moi, je préfère le fouet à vos chimères. Frappez-moi jusqu'au feu, jusqu'au sol, jusqu'à terre. Mais gardez votre tendresse, rendez-moi mon désespoir. Je suis né sur le fumier et j'y repars. Mais je vous en supplie, ne me parlez plus de Dulcinea. Vous voyez bien que je ne suis rien. Je ne suis qu'Adonza la putain. Voilà, maintenant on va écouter la... C'est un très beau texte de Brel. Hein. Triste. Triste. Et où il montre que la Dulcinée de... que voyait Cervantes, c'était en fait qu'Aldonza la putain. Alors elle va la chanter en anglais. Mm-hmm. Aldonza, on l'écoute. C'est donc de 1972. Dulcinea. Enough of that! Get yourself from madhouse. Rave about nobility where no one can hear. My lady. I'm not your lady. I'm not any kind of a lady. For a lady as modest and maidenly is, and the virtue a blind man could see that I lack, it's hard to develop these maidenly airs. In a stable laid flat on your back. Won't you look at me, look at me, God? Won't you look at me? Look at the kitchen slut reeking of sweat. Born on a dung heap to die on a dung heap. A scrum that men use and forget. If you feel that you see me not quite as my virginal best, cross my palm with a coin and I'll willingly show you the rest. Never deny that you are Dulcinea. Take the cloth from your eyes and see me as I really am. You have shown me the sky, but what good is the sky to a creature who never do better than crawl? Of all the cruel bastards who badgered and battered me, you are the cruelest of all. Can't you see what your gentle insanities do to me? Rob me of anger and give me despair. Blows and abuse I can take and give back again. Tenderness I cannot bear. So please torture me now with your sweet Dulcinea no more. Vous êtes ma Dulcinée, dit Cervantes, elle le détrompe brutalement. Alors maintenant, là c'était en anglais, maintenant elle chante en grec, avec l'auteur d'ailleurs, qui est Fermanjou et Tony Maroudas. La musique est de Takis Morakis dans un film qui s'appelle L'enfant sur le dauphin, un film de Jean Negulesco de 57, c'est un film américain. Et là, on l'a fait chanter en grec parce que c'est ce qui correspondait. Mais la chanson, la traduction italienne était claire. Le texte disait je t'aime, je t'aime, je t'aime. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui conduit secrètement les cœurs? Et quiconque le sent éprouve de la nostalgie. Aimer l'amour pour ce qu'il est, rien que pour ce qu'il est, des rires, des larmes, du soleil, de la pluie, de nos vies et finalement le début. Je n'ai jamais trouvé, on n'a jamais trouvé de parole. Aimer l'amour pour ce qu'il est, ce qu'il est. Voilà la fin. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà le texte italien. On l'écoute en grec. C'est beau. Deux voix et juste un instrument. C'est une très belle chanson qui montre combien elle était capable de s'exprimer dans des langues étrangères. Oui, oui, oui. Je ne peux pas juger de la qualité de sa prononciation du grec, parce que je ne le connais pas. Mais apparemment, tout le monde a beaucoup aimé cette chanson. Qui est encore connu aujourd'hui, qui est encore joué, Sagapo. Et puis on en vient alors à une chanson que vous avez sûrement entendue, parce que c'est celle qui est chantée dans le film de De Sica de 60-61, La Ciociara. Et c'est une belle musique de Trovajoli et Leoni Gan, et sur un texte de Lino Verde, comme la première qu'on a entendue. Et malheureusement, j'ai cherché, le texte n'est publié nulle part. Alors il aurait fallu qu'on le récupère d'après le... Elle m'a dit au Adosta. Mais où donc est Dieu? Elle vient d'être agressée, violée avec sa fille par des soldats français, marocains. Et elle dit, mais alors, c'est dans une église en plus, provocation suprême. Et elle dit, mais alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'est pas intervenu dans son église? Où est-il? Dio Adosta, en napolitain. On l'écoute parce qu'elle est très belle. Alunos se n'è scesa mieta via. Sto camminando ma non sa che via è. E sono all'intrasata di Maria e ogni campana in un martiello mieta a me. O ma cumbara a chiesa d'indo scuro mi ferma a sospirare. Forza per pregare, per perdonare, chi mi può dare. Dio dove sta, cosa mi fa, sono stanche piangere, pure se sei scordate me, scordate te. Ma ci sto anch'io, con bene mia, vicino a te. T'acquità, fatta dormire, fatta scordare. Te sentì, torna a cantare, Vanessa all'anima. L'inferno a me, a me può fa', c'è stonga già. Ma Dio dove sta, si me può fa', parla così. Può salvare stu mondo che se sta impazzì. Credo più, non prego più, ma Dio lo sta, ma Dio lo fa, non tene cuore. Ma questo di è certo che t'aiuterà. Namma là, namma tu, se può pregare. Namma là. E se Dio vuole a gioventù te tu varrà. Senza più la trama. Voilà, une très belle chanson. Oui. Malheureusement, de texte introuvable. Ben oui, puis difficile quand même à comprendre. Ben, de en, manière, en napolitain, ben oui. Oui, oui. Mais en gros, le thème, c'est... Et enfin, je suis en enfer, j'ai vécu l'enfer. Oui. Dieu, alors... et c'est une femme du peuple qui rentrait chez elle à la fin de la guerre. Et ben, elle comprend pas quoi. Elle comprend pas pourquoi cette agression. Mais oui. Alors, une autre chanson qu'elle chante en anglais, mais on va écouter, on y entend aussi un peu du texte italien, c'est Tu vuoi fare l'americano. Tu veux faire l'américain. C'est un texte d'un très grand auteur de musique. Renato Carosone, sur un texte de Nisa. Nisa était un parolier très très connu, Nicola Salerno, mais on le connaissait sous le nom de Nisa. Mm-hmm. Et alors elle chante cette chanson en anglais, mais sur le texte de Renato Carosone. Alors Renato Carosone, il faut en dire deux mots, parce que c'est un très grand de la chanson. Il était né en 1920 à Naples, évidemment, encore un napolitain, hein. On en trouve beaucoup dans la chanson. Et il est mort à Rome en mai 2001. Il a écrit énormément de chansons, on lui en attribue 112. Et on a fêté les 100 ans de sa naissance en 2020. C'était un des plus grands innovateurs de la chanson italienne et napolitaine, parce que il avait d'abord, il était bon musicien, il était diplômé de piano à 17 ans au conservatoire Saint-Pierre à Mayel de Naples, qui est un des grands conservatoires de l'époque, et il est devenu un des chanteurs les plus connus de l'époque, parce que il a écrit des chansons comme celle-ci, Tu vuoi fare l'americano, mais des chansons comme Marutella, O Saracino, O Torero, etc., qui étaient vraiment au-dessus de toutes les autres. Et puis, on disait que c'était un Américain à Naples, Carosone, parce que il était parti pendant la guerre. Il a commencé sa carrière en Afrique, à Massawa, à Addis Abeba, et puis il est rentré seulement quand la guerre est finie. Il a créé une petite formation musicale et il a fait son chemin avec cette chanson en particulier, Tu vuoi fare l'americano, et c'est devenu un standard qui était joué dans le monde entier. On a beaucoup aimé cette chanson et on va en lire le texte, la traduction. La traduction. Tu portes des pantalons avec un écusson sur le derrière, un petit chapeau avec la visière relevée. Tu passes en klaxonnant dans la rue Toledo comme un voyou pour te faire remarquer. Tu veux faire l'américain, haricain, haricain. Écoute-moi, qui t'oblige à le faire? Tu veux vivre à la mode? Mais si tu bois du whisky et du soda, après tu te sens mal. Tu danses le rock and roll, tu joues au baseball, mais les sous pour les camels, qui te les donne? Le petit sac de ta maman. Tu veux faire l'américain, américain, américain, mais tu es né en Italie. Écoute-moi, il n'y a rien à faire. Ok, napolitain, tu veux faire l'américain? Tu veux faire l'américain? Comment peux-tu comprendre celle qui t'aime si tu lui parles à moitié américain? Quand on fait l'amour sous la lune, quand il te vient en tête de dire « I love you », tu veux faire l'américain, américain, américain? Écoute-moi, qui t'oblige à le faire? Écoute-moi, qui t'oblige à le faire? Mais si tu bois du whisky et du soda, après tu te sens mal, tu danses le rock'n'roll, tu joues au baseball, mets les sous pour les camels, qui te les donne? Alors c'est une chanson, bien sûr, qui a beaucoup séduit, d'abord à Naples et puis partout, parce que c'est ça, c'était ça les jeunes napolitains après la guerre, ils voulaient jouer aux Américains, ils buvaient du whisky, ils klaxonnaient la rue Toledo, la principale rue de Naples, pour se faire remarquer. Mais en fait, ils n'étaient pas capables de vivre comme ça. Et puis, ils n'avaient pas de sous parce qu'ils étaient chômeurs. Alors, c'était la maman qui devait donner des sous pour acheter des cigarettes à la mode. Les camels. Alors, Renato Carosone a bien mis ça en valeur. En musique, oui. En musique. Avec des trompettes et oui, très entraînant. Oui. Avec son ami J.J. Giacomo à la batterie, un Hollandais à la guitare électrique. Il avait créé donc ce trio Carosone qui devient un quartet avec l'arrivée d'Elec Baksik, puis un sextet en 57 avec ses 6 musiciens polyvalents. Et voilà, on va écouter cette chanson, donc elle la chante en anglais. Mais de temps en temps, on a une intervention de Renato Carosone en italien. You wanna be americano, americano, americano. But if you drink whiskey and soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play it bass and bowl. Those cigarettes you smoke, leave mama broke. They should only make you joke. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy, don't you know it's not New York City? Okay, Napolita, you wanna be America, you wanna be America. Senta me chi do papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, vuoi sente disturba, tu ava loro che andrò, tu gioco a pese vuoi, ma è sorte pecca a me, chi te li dà la borsetta di mamma, tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italy, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Qui si sale la rock and roll, qui si sale la rock and roll, qui si sale la rock and roll, qui si sale la rock and roll. Voilà, on comprend pourquoi cette chanson a été si célèbre dans le monde entier. Oui, oui. Même vous la connaissiez, vous. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. On la connaissait bien en France. Et Carozone était très connu en France. Voilà, ces chansons de Sophia Loren qui nous ont permis de rappeler l'importance de la chanson dans le cinéma d'abord, l'importance de Naples toujours, oui. le caractère déterminant de la chanson napolitaine pour toute l'évolution de la chanson italienne. Et on continue. La Naples chante toujours en napolitain. Voilà, à au mois prochain, bonne écoute sur Couleur FM. Sono solo canzonette, ce ne sont que des chansonnettes. Une émission de l'INIS sur l'histoire de la chanson italienne, présentée par Jean Guichard, Evelyne Bestagne. Vous écoutez Radio Couleur, il est 16h. Thank you. get up out my bed, I got to get up on my feet. I hear these voices in my head, they echo voices in the street. Gotta get myself together, gotta give myself a break. Nothing seems to last forever except this very fast pace. Then the sun will come up on another day. I learn to find out a pace and take a walk around the room. I can take a bit of waiting, I can sing all out of tune. And your mind plays tricks and you know you're all alone. Then you start to feel that itch and you know you should stay home, yeah. Then the sun will come up on another day. Sun will come up on just another day, yeah. Darkness of the night is just a funny little itch. When the moon is shining bright, I feel a certain kind of twitch. I'm feeling crazy, crazy, crazy, yeah, but I'm alright. Things gotta get easy, easy, easy, babe, but I'm not uptight. Then the sun will come up on another day. Yeah, the sun will come up on another day. Then the sun will come up on another day. Oh, the sun will come up, yeah, on just another day. Just another day, yeah. Down south is always that just can't get along. Sick and tired of doing each other wrong. Hateful words are spoken, precious vows are broken, till it both left alone in the end. Where the blues begin. A young man on the street, trying hard to make his way. Out there in this mean old world, it gets harder every day. He tried to fight a good fight, keep his pride and do right. But the dark side keep closing in. This is where the blues begin. Where the blues begin, way down on the bottom. You got to struggle to survive. Where the blues begin, hard luck and trouble. Just can't win. Oh, oh, this is where the blues begin. Radio just for you, Couleur FM. to take a walk beyond the city walls. I met a fortune teller, she told me you're the seventh son. I crossed one eye cat, crouching in the moonlight shaft. Five kings sat above the hill, saw me and told me, come on in, Obotine. I feel like a gypsy, we'll never be alone. My hands shining brighter than ever before. I feel like a gypsy, we'll never be alone. But I'm a blues man. I'm standing before the fire, men ranting by my side, children running into the night. We all sounds of a gun, dark hair in a wedding dress, big leg woman dance on muddy water. Come on, baby, let's blow our horn somewhere low. I feel like a gypsy, we'll never be alone. My hands shining brighter than ever before. I feel never be alone. But I'm a blues man. Yes, I'm a blues man like Robert Johnson. Yes, I'm a blues man like Baby King. I'm a blues man like Iron Wolf. Iron Wolf, I'm a blues man, but I'm a good man. abba dilibi abba dubi dubi ba abba da ba dilibi abba dubi dubi ba ha abba da ba dilibi abba dubi dubi ba abba da ba dilibi abba dubi dubi ba abba adum dubia adum dum dum dum dum ba aduba abba adum dubia abba dubi duba aduba aduba abba da ba dilibi abba dubi dubi ba abba da ba dilibi Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us, fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever. fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Des bonnes infos, de la bonne musique, la radio, c'est simple comme couleur. Thank you. De la vraie musique avec de vrais textes, c'est sur Couleur. By yourself, living a while. Mama do do do, this buzz is bad. Bad do do do do do. Bad do do do, this bad do do do do. Listen, Thank you. Vous êtes sur Couleur FM, il est 17h. Voici votre agenda sur Couleur. Ce vendredi 27 octobre, c'est un plateau très actuel qui vous attend sur la scène du club de la SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. Le croisement des univers poétiques et créatifs des groupes Saint-Aube et Hiver en Hiver. De belles écritures et des musiques qui oscillent en rock électro, ambiante ou trip-hop pour une belle soirée de découverte. C'est à 20h30 aux abattoirs et au tarif unique de 5 euros. Plus d'infos, www.lesabattoirs.fr. Le 31 octobre à 18h, le Centre social de Morestel vous propose d'aller découvrir son chemin lumineux, un événement familial et gratuit qui vous fera cheminer au Clos Carré à Morestel dans l'ambiance d'Halloween à la rencontre des contes et des gourmandises qui jalonneront le chemin. Alors sortez vos plus terrifiants déguisements et venez frissonner avec le Centre social Odette Brachet. Plus d'informations 04 74 80 41 65. Terra Incognita, rendez-vous au bout du monde, c'est la nouvelle exposition du Musée des Confluences jusqu'au 3 mars 2024. Cette exposition spectaculaire de Luc Jacquet, le réalisateur du documentaire La Marche de l'Empereur, nous invite à partir sur les traces des grands explorateurs à la découverte du pôle Sud. Cette exposition est une expérience immersive et sensorielle qui vous place au centre d'installations sonores et vidéo pour mieux ressentir le magnétisme de ce fabuleux continent. Plus d'informations sur le site www.musedesconfluences.fr. Je reste là, je ne dis rien. Couleur FM, la playlist. On écoute tout de suite Get High, cet extrait du dernier album de Dango Jones, Electric Sounds. When you do a bit of living and it's starting to take its toll, you might need a little help, come and get it before you explode. Well, look at me, I'm a pretty good example of not letting it go. So do the opposite and think about it, let me ask you so you know. Do you wanna get high? C'est rock'n'roll, à se faire dresser les cheveux sur la tête, traverser une passe difficile et militer pour s'en sortir. Être le plus maladroit des policiers et devoir à nouveau être un héros. À Kinépolis, l'inattendu vous attend. À l'affiche, les Trolls 3, une aventure tout en musique pour petits et grands. Une année difficile, la nouvelle comédie des réalisateurs d'Intouchables. Et 3 jours max, la suite encore plus déjantée de 30 jours max. Réservation sur kinépolis.fr. Kinépolis, réinventons le cinéma. Dans ta gorge, je me déploie. Dans ton corps, je me noie. Dans ta gorge, je me déploie. Dans ton corps, je me dans ton corps, je me noie et guide tes sens dans ta gorge. secret, lever l'ardente écume Le projet rock pop New Tay réunit deux hommes, deux femmes originaires de Chambéry. Le groupe s'est formé en 2019 et a sorti fin 2022 son premier EP qui a titre intitulé Black Light. On écoute le titre The Finish Line, extrait de cet EP, et c'est le coup de cœur de Gérard, animateur de l'émission Itinéraire Bis sur Couleur. Now I release the mind. tellement. Même pas de Rolex après 30 ans. J'ai des valeurs d'un autre temps. J'adore te regarder quand tu danses. On dirait que t'es seul au monde. Le temps s'arrête. Je pense que tu es à moi juste une seconde. On pourrait vibrer toute la vie dans l'insouciance des lendemains. Faire l'amour comme la première nuit. Un peu sauvage, un peu gamin. Jusqu'à la fin, j'ai eu vent de toi. L'automne est passé par là. J'ai eu vent de toi. Le printemps nous retrouvera. J'ai eu vent de toi. Si le monde nous inspire pas, j'ai eu vent de toi. Mets les voiles, toi et moi. J'ai faim de moi dans la tourmente. On vivote entre terre et ciel. Pas très doué en force de vente. Notre richesse est immatérielle. De toi, moi, et là je m'en fous. Tant que t'es pendu à mon cou, nos corps perdus s'envoient en l'air. Je t'embrasserai demain comme hier. Si les ennuis sont de la partie, on les chasse à coups de pied dans le cul. Jusque là, on s'en est sorti. On improvise et c'est reparti. Et c'est reparti. J'ai eu vent de toi. L'automne est passé par là. J'ai eu vent de toi. Le printemps nous retrouvera. J'ai eu vent de toi. Si le monde nous inspire pas, j'ai eu vent de toi. On met les voiles, toi et moi. Déserteur de l'ennui, j'ai perdu le goût du profit. J'ai eu vent de toi au bout de la nuit. Bye bye les coups du samedi. T'aimer c'était tentant. Un taf pour un cœur de titan. Dis quand est-ce qu'on fout le camp. De la foule et de tout ce boucan. Animal en cavale, nuit debout, orgiaque. Avec toi c'est la vie que je braque. Tu t'ennuies, j'ai que dalle. Dis-moi oui, je t'emballe. Si je pars sans toi, je claque. J'applaudis à la fin des temps. Tant qu'on le quitte en amant. On se bécote comme des débutants. Shooté au firmament. L'automne est passé par là. Whoa, whoa.